إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 17 dans l'explication des Masa'il al-Jahiliya, Sharh Masa'il al-Jahiliya, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé au point numéro 37, Al-Mas'alatu al-Sabi'a wa al-Thalathun. Et le point numéro 37 s'intitule Ittikhadhuhum al-Ahbar wa al-Ruhban arbaban min dunillah. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les prennent comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il exprime ce point-là en disant « At-ta'abudu bi-ittikhadhi al-ahbari wal-ruhban arbaban min dunillah » C'est-à-dire qu'ils font leur adoration en prenant leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on va expliquer et on va clarifier avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan qu'est-ce que ça signifie ça. الشيخ الذي قال الله تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعون هؤلاء ويعتبرون هذا عبادة حيث يقولون طاعة العلماء واجبة فنقول طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله أما إذا خالفوا طاعة الله فلا طاعة له قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كانوا علماء أو عبادا من أزهد الناس ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله يعني أشركهم مع الله سبحانه وتعالى لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il commence en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des juifs et des chrétiens dans le Coran, dans le verset 31 dans Surah Tawbah, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Marie. Alors qu'il n'avait été commandé que d'adorer une divinité unique, que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le Cheikh il dit, leurs ahbar sont leurs savants, les rabbins, les savants de la religion juive. Wa ruhban, ce sont les adorateurs parmi les moines qui font partie des chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les ont suivis dans le péché et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, les juifs et les chrétiens, adore Allah en suivant leur rabbin et leur moine et leur rabbin dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils rendent haram ce qu'Allah a déclaré halal et ils rendent halal ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré haram. Donc ils obéissent à leur moine et à leur rabbin dans le contraire de ce que Allah a ordonné. Et les moines, on sait que, bon, peut-être à l'époque actuelle, on les voit pas autant qu'avant, mais les moines c'était considérés comme des intellectuels, des érudits, des savants de la religion chrétienne. Ils restaient dans leur monastère et ils faisaient que l'étude et la lecture, l'étude, la recherche, la prière, le jeûne, les adorations, ils s'adonnaient juste à ces choses-là. Donc, et pendant ce temps-là, ils faisaient aussi d'autres sortes de travaux, de la traduction, de l'écriture. Et donc, c'est eux qui étaient les enseignants et les professeurs chez les chrétiens. C'est eux qui étaient considérés comme les intellectuels et les érudits. Jusqu'à ce qu'il y ait, bon, par la suite, les conflits entre les scientifiques non religieux, puis les prêtres, les moines et tout ça. Donc, l'Église, il y a eu le conflit, puis là, il y a eu cette séparation-là entre l'Église et la science, mais sinon avant c'était ensemble, les deux. Hein? Donc, comme le cheikh il explique, les gens ont commencé à suivre qu'est-ce que les rabbins disent, et qu'est-ce que les prêtres disent, sans prendre en considération qu'est-ce qui est écrit dans la révélation, dans leur livre, sans suivre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et ça aujourd'hui, on retrouve ça même parfois chez certains musulmans, qui suivent quelques savants ou quelques chouyours ou quelques imams dans des choses qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Hein? Si tu dis à certains musulmans, par exemple, un verset dans le Coran ou un hadith hein, qui explique quelque chose, eux, ils vont rejeter ou ils vont refuser de suivre ce verset ou de suivre ce hadith sous prétexte qu'ils suivent un autre cheikh ou sous prétexte qu'ils suivent un autre imam. Et donc, en réalité, c'est comme s'ils étaient en train de placer la parole de ce cheikh, la parole de cet imam, au-dessus de la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est très dangereux. Hein? Donc, le cheikh explique justement à ce sujet-là pour donner l'exemple par rapport aux juifs et aux chrétiens, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis dans ce verset au sujet de ces deux groupes-là, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement eux qui sont concernés par ça, par cet avertissement-là. Tout le monde qui ont une caractéristique parmi cette caractéristique-là, qui rentre dans cet exemple-là, ils font partie de ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala a averti. Et donc, le cheikh il dit donc qu'ils rendent haram ce qui est halal, et ils rendent halal ce qui est haram, et eux ils les suivent là-dedans. Et ils leur obéissent dans ce genre de choses-là. Et ils considèrent que ça c'est une adoration. Hein, ils disent que d'obéir aux savants c'est obligatoire. Donc, nous on dit, le cheikh dit, nous on répond à ces gens-là d'obéir aux savants de la religion, c'est obligatoire lorsqu'ils obéissent à Allah. Mais lorsqu'ils contredisent l'obéissance d'Allah, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les obéir, on n'a pas le droit de les suivre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa uli l'amri minkum » Il dit, « Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Les ulama de tafsir, les savants d'explication du Coran, quand ils expliquent ce verset-là, qui est le verset 59 dans surat An-Nisa, quand ils l'expliquent, ils disent que Allah, il dit « obéissez », il met le verbe impératif devant Allah, il dit « obéissez à Allah ». Ensuite, « obéissez aux messagers », c'est-à-dire le verbe d'obéir à l'impératif, il est devant Allah et son messager. Mais devant ceux qui détiennent le commandement, Allah n'a pas répété le verbe impératif et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Il a juste dit, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et certains ulama, comme l'imam Shafi'i, dans Al-Risala et d'autres savants aussi, ont expliqué que ça implique que l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans, ça c'est limité au fait que s'ils sont en train de nous ordonner d'obéir à Allah et à son messager, on leur obéit. Mais s'ils sont en train de nous ordonner de désobéir à Allah et au messager, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir. Okay? Et donc c'est pour ça que aussi les ulama de tafsir, ils ont expliqué que ceux d'entre vous qui détiennent le commandement sont deux catégories. Les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont les dirigeants politiques, les rois, les présidents, les khulafa, etc. ou bien les ulama, les savants. Ce sont les deux catégories qu'on appelle ulul amr, ceux qui détiennent l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est obligatoire de les obéir tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si un dirigeant nous ordonne de désobéir à Allah, on n'a pas le droit de l'obéir, même si c'est le dirigeant. Dans le reste, des choses qu'il nous ordonne, qui sont bonnes, qui ne sont pas contraires à l'ordre d'Allah, on les obéit. Mais pas dans le péché. La même chose pour les ulama. Quand les ulama nous ordonnent de faire quelque chose, on est obligé de leur obéir. Mais s'ils nous ordonnent de faire une bid'ah, ou s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est haram, ou contraire aux preuves, là, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir. Donc, c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer. Donc, il mentionne comme preuve à ce sujet-là le hadith qui dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq » c'est-à-dire, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc, si une créature, c'est-à-dire un être humain parmi les êtres humains, peu importe qui, que ce soit un roi, que ce soit un président, que ce soit un savant d'islam, un imam, n'importe qui, hein, ton père, ta mère, ton mari, peu importe, il te dit « désobéis à Allah ». Tu lui dis « je n'obéis pas à une créature lorsque la créature me demande de désobéir au créateur ». On ne désobéit pas au créateur pour plaire à la créature. Ok? Parce qu'on est tous des créatures et on doit tous obéir au créateur, peu importe qui est cette créature. Soit le gouvernement, soit le président, que ce soit la loi, la constitution, la charte, n'importe quelle autre chose, peu importe qu'est-ce que ça peut être en dehors d'Allah, si cette chose-là s'est créée, on n'a pas le droit de l'obéir dans la désobéissance du créateur de l'univers. D'accord? Ça c'est fondamental. Donc le chef il dit, « وَلَوْ كَانُوا عُلَمَاءَ أَوْ عُبَادًا مِنْ أَزْهَدِ النَّاسِ ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم. Le cheikh il dit, peu importe qui ils sont dans leur niveau de science, dans leur adoration, hein, même si c'était les gens les plus pieux, les plus éloignés de la dunya, les gens qui s'attachent le plus à la foi et la religion et la pratique, du moment qu'ils ne sont pas sur la vérité, il n'est pas permis pour nous de les suivre. Et ceux qui les suivent, alors qu'ils savent que ceux-là sont en train de rendre halal ce qui est haram, ils sont en train de rendre haram ce qui est halal, alors ça signifie qu'ils les ont pris comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire qu'ils les ont associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, dans le fait de rendre légal ou illégal, de rendre permis ou interdit, de rendre licite ou illicite, hein, de rendre permis ou interdit. Donc ça c'est un droit qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est permis à personne, ce n'est pas permis à quelqu'un de se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce droit-là pour essayer de rendre halal ce qui est haram ou de légiférer des règles et des principes et des lois qui sont contraires à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est très important de le comprendre. Yarhamukallah. Surtout à notre époque où il y a la propagation et la propagation de cette idéologie de kuffar qui est la laïcité actuellement et dans laquelle il stipule que la loi des hommes doit précéder et doit être au-dessus de toute autre loi faite par, disons, toute autre loi révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les laïcs, eux, leur principe c'est ça, c'est de dire la loi d'Allah, elle ne doit pas être appliquée, elle ne doit pas être au-dessus, elle doit être en dessous des lois de nos lois, des lois des hommes. Donc les laïcs, c'est ça leur système. Leur système, c'est toute autre loi que notre loi, que la loi que les hommes ont inventée, doit être rejetée, ou doit être mise en dessous. Elle ne doit pas avoir le dessus. Hein? On met de côté tout ce que Dieu a révélé, le Coran, la Sunna, toutes ces choses-là, c'est pas ça qui doit gérer nos vies. Qu'est-ce qui doit gérer nos vies? C'est les lois qu'on fait nous-mêmes, hein. Puis, ensuite, la religion, tu l'apprends et tu la pratiques, mais dans le niveau personnel ou privé, hein, tant que ça n'atteint pas ou ça touche pas à l'aspect de la société au général, en général, hein, sur le plan politique ou sur le plan social ou économique ou autre. Et ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est du kufr clair. Et celui qui accepte cette idéologie-là des kuffars, il a quitté l'islam, même s'il se dit musulman, même s'il fait la prière, même s'il fait le jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, 1000 fois par jour. Hein, ça ne lui servira à rien au jour de la résurrection, tant qu'il n'a pas cru et accepté que la loi d'Allah est au-dessus de tout, et qu'il accepte tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna comme étant la vérité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est fondamental et c'est très très très important parce que maintenant ils sont en train de combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs mensonges et leurs faussetés, avec des idées qui sont clairement des égarements. Et il y a aussi des gens parmi les musulmans qui appellent à d'autres formes d'égarements et qui pensent que parce que ce sont des choses qui sont à la base faites au nom de l'islam, que ça justifie et que ça rend plus acceptable ce genre de contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc par exemple, ils vont prendre les différents mazahib qui ont été élaborés et établis par certains savants de l'islam à travers les siècles, et ils mettent ces mazahib-là comme étant des bases et des références dans la compréhension et dans la pratique de l'islam. Hein, et ils ne ramènent pas les gens aux preuves et aux fondements du Coran et de la Sunna directement, et à la position et à la compréhension des salaf salih. Donc, comme je disais au début, ces gens-là, tu vas leur dire, il faut faire, voici un hadith, le hadith il nous dit qu'il est authentique, et il nous dit qu'on doit prier de telle façon, ils vont dire, non mais moi je suis Maliki, ou non moi je suis Shafi'i, ou non moi je suis Hanbali, ou non moi je suis Hanafi, moi je me mets comme ça, ou moi je me fais le mouvement de telle façon, ou moi je prie de telle façon, ou moi je donne la zakat de telle façon. Et bien entendu, ça c'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le verset 59 dans surat An-Nisa, hein, quand il dit à la suite, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Ramenez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire, ramenez-le au Coran et ramenez-le à la Sunna. Si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure interprétation ou d'une meilleure conclusion. Donc, on n'a pas le droit de dire, par exemple, ça y est, maintenant, il y a divergence, il y a différence d'opinion, chacun peut prendre l'opinion qui lui plaît, hein, il faut accepter le pluralisme d'opinion, le pluralisme d'idées, hein, il y a divergence, donc on utilise notre intelligence pour arriver à comprendre, selon le contexte, hein, quelle application du texte est la plus acceptable. Ça, c'est des genres de philosophie que certains égarés à notre époque essaient de nous présenter comme étant de la compréhension, alors que tout ça c'est bien entendu contraire au manhaj des salaf, c'est contraire au Coran et à la Sunna, parce que Allah nous ordonne de suivre la preuve, de suivre la vérité, de suivre les références, le Coran et la Sunna, et de mettre ça au devant, et non pas notre intelligence, hein, de placer notre intelligence devant les textes pour essayer d'imposer au texte une signification qui est en accord avec nos passions. Ça c'est de la déformation de la réalité de la révélation. Ensuite, le cheikh, il mentionne des preuves, un peu plus de preuves à ce sujet-là. Il dit, dans le verset 117 et 119, bon, je vais le lire en arabe, après je vais traduire, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, c'est ça, il dit, قال تعالى, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فلا يطيع العلماء مطلقا أصابوا أو أخطأوا ولكن نتبعهم إن أصابوا ونجتنب خطأهم إذا أخطأوا فنطيع من أطاع الله ونعصي من عصى الله سبحانه وتعالى ونخالف خطأ من أخطأ وهذا هو الدين الحق. Donc, le cheikh il dit que il n'est pas permis à quiconque de rendre halal qui est haram ou de rendre haram qui est halal, hein, et de légiférer dans la religion, excepté si on se base sur une preuve du Coran et de la Sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, pour dire que quelque chose est halal, il faut se référer. Si on dit que quelque chose est halal ou haram, il faut se référer à la révélation. Hein? Par exemple, il y a les règles dans les paroles des ulama qui expliquent les règles du fiqh. Ils disent qu'à la base, dans les choses de la dunya, des aspects de la dunya, tout est halal, excepté s'il y a un dalil, une preuve du Coran et de la Sunna qui montre que cette chose-là, elle est haram. À la base, elle est halal. D'accord? Et dans les actes de l'adoration, des aspects de l'adoration et des règles de la religion, hein, on dit qu'on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si on a, ou d'établir une adoration, excepté si on a un dalil, une preuve, qui justifie cette pratique. Donc ça, c'est les principes, les règles. Et donc, sans se baser sur les preuves, on n'a pas le droit de dire halal ou haram ou des choses de ce genre. Il faut ramener des preuves, de la révélation. C'est pas selon notre propre personnalité ou compréhension personnelle. Le verset 116 et 117 dans Sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne dites pas, de par le mensonge que vos langues prononcent, que ceci est halal et ceci est haram, pour inventer à propos d'Allah un mensonge. Ceux qui inventent un mensonge à propos d'Allah n'ont pas le succès. Hein? Ils auront peut-être une petite jouissance dans cette vie, d'ici-bas, puis ils auront un Dieu châtiment par la suite. Donc c'est pour dire que il y a des gens comme ça. Ils prononcent des mensonges à propos d'Allah quand ils parlent de religion. Ils disent, ouais, ça c'est halal, ouais, ça c'est haram, vas-y, fais-le. Hein? Et tu leur demandes, c'est quoi la preuve? Non, pas de problème, fais-le, toi c'est halal. Non, il faut avoir la preuve. Hein? Tu lui dis quelque chose, il dit, non, ça c'est halal, tu peux le faire. Et l'autre il dit, non, ça c'est haram. C'est quoi la preuve? Pas de preuve. Et donc là, il parle à propos d'Allah, et ça c'est un mensonge à propos d'Allah. Parce que quand tu parles de religion, hein, quand tu parles de religion, il faut que tu aies des références. Et on remarque qu'il y a des gens, même justement hier j'avais un événement, une occasion, quelque chose qui s'est passé comme ça justement hier, quand j'étais à la mosquée, après le Jumu'ah. Il y a un frère qui vient puis il pose une question sur la religion. Alors moi je lui réponds, mais en fait je ne lui ai pas répondu tout de suite. Il y a un autre frère qui est venu tout de suite pour répondre à ma place, pour donner la réponse. Alors je l'ai laissé parler un peu, puis après je lui ai demandé, parce que lui il a répondu au frère, il commence à dire qu'est-ce qu'il avait comme opinion. Puis il commence à répondre, puis il dit, ouais, c'est permis et tout. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de dire à la personne que si quelqu'un est mort dans ta famille, puis que c'était pas un musulman, peu importe que ce soit un musulman ou un non-musulman, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, tu as le droit de faire des doigts pour lui, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon ou des choses comme ça. Alors je lui ai dit, mon frère, est-ce qu'il y a quelqu'un, un savant dans l'islam, dans l'histoire, qui t'a précédé à cette position-là que tu as aujourd'hui? Et là, il n'avait pas de réponse. Je lui ai dit, mon frère, cette religion-là, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu parles, tu dois parler avec preuve, ou bien sinon tu dois te taire. Hein? Là, il a ramené une shubha, ou une parole qu'il a pris comme ça, qui était en fait, qui était même pas, quelque chose qu'il a raconté qui était même pas vrai, comme preuve pour qu'est-ce qu'il voulait amener. Et, yani, subhanallah, je lui ai répondu à ce sujet-là, justement, puis je lui ai dit, écoute, mon frère, si franchement, si tu as une position et que tu prétends que ta compréhension elle est correcte, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des savants dans l'islam qui t'ont précédé avec cette position-là? parce que je lui ai expliqué maintenant par la suite les preuves dans le Coran qui montrent qu'on n'a pas le droit d'invoquer la miséricorde et le pardon pour un mushrik quand il est mort. Ça c'est interdit. Et il y a des versets clairs à ce sujet-là dans le Coran. Allah nous interdit de faire ça. Dans Surah Tawbah et dans d'autres versets également. Et donc, c'est pour dire par la suite, le frère, il est resté silencieux. Mais c'est pour dire que des fois, il y a des gens qui se permettent de dire des choses comme ça. Ouais, dans l'islam, c'est ça, dans l'islam, c'est ça. Alaykoum salam, rahmatullah. Mais qui n'ont aucune connaissance. N'ont aucune connaissance en réalité, mais ils répondent selon leur passion. Là. Donc ça, c'est dangereux. Donc le chef, il dit, on ne doit pas obéir aux savants de manière absolue, qu'ils se trompent ou qu'ils aient raison. On les suit uniquement lorsqu'ils ont raison. Et on s'écarte de leurs erreurs, lorsqu'ils font une erreur. Et on obéit dans ce qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On obéit à celui qui a obéi à Allah et on désobéit à celui qui a désobéi à Allah. Et on contredit celui qui s'est trompé. Et ça, c'est la religion de vérité. Donc, on respecte nos ulama et on aime nos ulama, mais on les aime pas à un point d'exagérer et de les suivre, même quand ils font des erreurs et quand ils se trompent dans la religion d'Allah. Si tu poses la question à un cheikh, à un alim, à un savant de l'islam, tu lui demandes à propos de quelque chose et qu'il te répond, et que tu sais rien d'autre que l'exemple que le cheikh il t'a donné, la réponse qu'il t'a donnée, tu la suis, tu lui fais confiance, puisque toi tu es ignorant. Donc tu prends cette réponse, puis tu la suis, tu suis la vérité. Puisque pour toi, c'est la réponse qu'il t'a donnée, tu connais rien d'autre que cette réponse-là. Si plus tard, tu apprends que cette opinion, ou que cette position que ce cheikh-là t'avait donnée, elle n'était pas correcte, avec les preuves, on t'a expliqué clairement ça, alors dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de le suivre une fois que tu as compris que cette position-là est une erreur. Tu dois maintenant accepter et revenir sur la position que tu avais prise au début et suivre maintenant la vérité. Si tu continues à suivre la position de ce cheikh alors que tu savais, alors que maintenant tu sais que c'était une erreur, alors là, dans ce cas-là, tu es dans le péché, puisque tu le suis aveuglément alors que tu sais qu'il est dans la terre. Lui, le cheikh qui t'a répondu cette réponse et qui s'est trompé dans sa réponse, lui, il est excusé dans son erreur puisqu'il a fait une ijtihad et il a eu la mauvaise réponse. Il a une récompense au lieu de deux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sauf que toi, tu ne seras pas excusé comme lui si tu le suis dans son erreur puisque toi, tu n'es pas à son niveau d'ijtihad. Hein, ce n'est pas à son degré, hein, et tu n'es pas excusé comme lui si tu persistes dans l'erreur. Le cheikh il dit, amma law kunta la ta'lam anna hadha al-'alam mukhti fa anta ma'dhur, amma man yaqulu idha kana akhta fa khata'uhu 'alayh fa naqulu hadha la yajuz wa la yanfa'uka hadha yawm al-qiyamah 'alayhim ma humilu wa 'alayka ma humilta. فالفتوى لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يعلم أنها على غير دليل فإنه يحرم عليه أن يأخذ بها، ومن كان يجهل هذا فهذا معذور، ولكن يجب عليه أن يتحرى أو يجب عليه التحري وزيادة التثبت. Le cheikh dit, si tu savais pas que c'est, comme je disais tout à l'heure, si tu sais pas que ce savant il s'est trompé, t'es excusé. Mais, tu vas pas dire comme par exemple, ah s'il se trompe, son erreur est sur lui. C'est lui qui a porté mon erreur. Une fois que t'as su qu'il s'est trompé. Non. Parce que là tu le sais qu'il s'est trompé, t'as plus le droit de le suivre dans l'erreur. Hein? Comme le cheikh dit, non, ça c'est pas permis de prendre la religion comme ça. Et ça, ça ne va pas te sauver au jour de la résurrection. Lui, le savant, il aura apporté sa charge à lui, et son péché à lui, sa faute à lui s'il a une faute, et toi, tu auras apporté ta faute à toi. Chacun, il a sa responsabilité à lui. Hein? Donc, il dit que on ne peut pas se baser sur une fatwa si cette fatwa, elle n'est pas supportée par une preuve du Coran et de la Sunna. Donc celui qui sait que cette fatwa elle n'est pas basée sur une preuve, alors il est interdit pour lui de prendre cette position-là. Hein? Et celui qui ignore la réalité à propos de cette fatwa, alors il est excusé à cause de son ignorance. Mais il est obligatoire pour lui de faire attention, de vérifier de façon plus sérieuse les choses. Et donc ça c'est très important. Et puis en ce moment, à notre époque, les gens ils utilisent le terme fatwa, et puis ils essaient de faire peur aux gens avec ce mot-là. Il y en a qui ont l'impression comme si que une fatwa c'est une déclaration de mort ou une mise à gage de certains, quand on met ta tête à un prix sur ta tête ou des choses comme ça. Ils pensent que c'est ça une fatwa. Vous lisez ça dans les médias des fois, ils disent ah, on a lancé une fatwa sur un tel ou des choses de ce genre. Hein? Et ça c'est parce qu'ils ont complètement pas compris ou savent pas du tout le mot fatwa, qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Parce que la fatwa en fait c'est d'expliquer ou de donner le verdict de la religion au sujet d'une question quelconque. Ok? Donc si quelqu'un par exemple il te demande est-ce que la prière est obligatoire 5 fois par jour et que toi tu réponds oui c'est obligatoire de prier 5 fois par jour et tu expliques par exemple le hadith qui prouve que c'est obligatoire 5 fois par jour, et bien dans ce cas-là ça veut dire que yani, tu as fait une fatwa. Il y a des fatwas comme ça, c'est juste d'informer quelqu'un du verdict, et le verdict est déjà clair dans la révélation directe. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, trop d'efforts pour le connaître, puisque il est déjà explicite et clair et clarifié dans la révélation. Ok? Tandis que si par exemple c'est une question qui est plus détaillée ou qui demande plus de réflexion ou d'observation, dans le sens que il n'y a pas de texte explicite qui mentionne son jugement, son verdict, alors là dans ce cas-là les ulama doivent utiliser certains outils et certains moyens pour arriver à extraire le verdict des textes pour savoir exactement cette chose-là, est-ce qu'elle est halal ou haram ou obligatoire ou recommandée ou déconseillée ou détestable. Donc ça prend d'autres connaissances pour arriver à extraire le verdict, pour savoir la chose à ce sujet-là, et c'est pour ça que là c'est un autre niveau d'ijtihad. Et on appelle ça de faire une fatwa. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se limite aux gens qui ont les outils parmi les mujtahidines pour faire ce genre de fatwa-là. Mais sinon, à la base, la signification du mot fatwa, c'est d'informer à quelqu'un, de dire à quelqu'un le verdict de l'islam sur une question en général qui a rapport avec l'islam. Donc, ensuite, le cheikh il dit, comme point numéro 38, إلحادهم في أسماء الله وصفاته. C'est-à-dire que parmi les points de la jahiliya, de la religion de la jahiliya, c'est que ils déforment ou ils dénaturent le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ils cherchent à les nier ou à les déformer. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit à ce sujet-là, الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سورة فصلت verset 22. شيخ الذكر يفعل الإلحاد في الصفات c'est-à-dire il nie et il déforme, il dénature les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et il déforme ses attributs, en particulier aussi c'est les attributs الصفات. Il mentionne le verset 22 dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mais, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. C'est-à-dire, mais, vous pensiez que Allah ne savait pas grand chose de ce que vous faites. Ne savait pas beaucoup de ce que vous faites. Hein? Les mushrikoun, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient faire des choses et que ça échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas le savoir, ou n'allait pas le voir, ou n'allait pas l'entendre, n'allait pas être au courant. Hein? Ça, c'est à cause de leur fausse connaissance d'Allah, leur mauvaise compréhension de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et leur ignorance de la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, As-sifat ay sifat Allah, azza wa jal, التي أثبتها لنفسه وللحاد في اللغة معناه الميل عن الاستقامة والمراد به هنا الميل في صفات الله ومن ذلك نفيها عنه سبحانه وتعالى فنفي الصفات إلحاد لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله والدليل على ذلك قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون حيث ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم فنفوا صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. Le Cheikh dit que les attributs, quand on dit attributs, on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah s'est affirmé à lui-même. Et de faire l'ilhad dans les attributs d'Allah, premièrement, le mot ilhad dans la langue arabe, il signifie de pencher. Ok? Donc toute chose qui penche, hein, qui, on appelle ça en arabe al-mail, al-ilhad al-mail. Donc quand quelque chose est droit comme par exemple il y a une route qui serait droite ou une ligne qui serait droite et une autre à côté qui est croche ou qui tourne, on dit que celle qui tourne, on dit que c'est de al-ilhad. Pourquoi? Parce que elle n'est pas droite, elle reste pas droite, elle tourne cette route, hein, ou elle penche. Donc, c'est ce que ça signifie, al-ilhad. Et ici, dans la question des attributs, quand on dit le mot ilhad par rapport aux attributs, ça signifie quoi? Ça signifie que on penche vers la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On penche vers la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on penche en s'écartant de la vérité. On dévie. C'est ça que ça veut dire. Une déviation. Une dénaturation. Une déformation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça signifie. Donc ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya de déformer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils les rejettent. Pourquoi il nie les attributs d'Allah? Et pourquoi il rejette les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'ils veulent imaginer Allah subhanahu wa ta'ala selon leur passion à eux, selon leur désir à eux. Ils veulent se faire un Dieu à leur mesure, à leur image, pour essayer de faire en sorte que leur passion soit acceptée. Hein? Donc chacun, il veut se faire un Dieu selon ce que lui il veut, selon ce que lui il désire. Et si il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est décrit lui-même dans la révélation et décrit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est contraire à leur passion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur explique qu'est-ce qu'il ordonne et qu'est-ce qu'il interdit et qu'est-ce qu'il a comme attribut. Et quand ils lisent, ces gens-là lisent les attributs d'Allah, ils disent non. On ne peut pas croire en Allah tel qu'il se décrit, parce que sinon, on ne pourra pas s'excuser ou se permettre de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, d'être comme on veut. Donc, ils se font un Dieu qui correspond à leur passion et à leur désir. Donc, ça, c'est les gens de la Jahiliya qui agissaient comme ça. Et le Cheikh, il explique, il dit dans le verset 22, dans Surat Fussilat, il dit, وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون حيث ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم فنفوا صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. Donc dans le verset 22 dans sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne juste dans le verset avant que au jour de la résurrection, les kuffar et les mushrikoun, Allah subhanahu wa ta'ala va faire témoigner leur vue, leur peau, leurs ouïes, leur vue et leur peau contre eux. Ils vont témoigner, barakallahu fik. Donc, même s'ils vont essayer de nier des choses qu'ils ont fait ou des choses qu'ils ont dit, et Allah va dire, voici que vos propres membres de votre corps témoignent contre vous de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas vous cacher contre votre, vous ne pouvez pas vous cacher au point, à un point tel que même votre oui ou votre vue ou votre peau ne sache pas qu'est-ce que vous faites. Hein? Tu peux te cacher des hommes, tu peux te cacher quelque part, aller quelque part où il n'y a personne pour essayer de faire quelque chose, mais il y aura toujours des témoins. Même si nous on considère par exemple que ces témoins-là ne sont pas vivants, ne sont pas intelligents, ne sont pas capables de comprendre ou de voir qu'est-ce qu'on fait, mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les faire témoigner quand même. Donc toi tu t'es caché pour faire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Tu t'es caché, mais ta peau, elle est témoin. C'est la création d'Allah. Tes yeux sont témoins. Tes oreilles sont témoins de ce que tu as fait. Et si là où tu étais, il y avait des objets, il y avait des choses qui étaient là, ces objets-là sont témoins aussi. Et Allah est capable de les faire parler, de les faire témoigner pour dire qu'est-ce que tu faisais. Donc c'est pour dire que tu ne peux pas vraiment te cacher. Et non seulement ça, en plus de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu fais. Et tu ne peux pas te cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, c'est ça ce qu'il est en train de dire ici, que vous pensiez que Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faites. Vous pensiez que vous pouviez vous échapper de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il s'imagine que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attentif ou bien qu'il n'est pas au courant de ce qu'ils font, n'a pas la connaissance de ce qu'ils font. Donc ils ont nié la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une des plus importantes attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا وجه الشاهد من الآية لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله فهو يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ومن غيرها يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف يكون فعلمه سبحانه وتعالى شامل محيط بكل شيء فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحدا في صفات الله نفيا لصفات العلم نافيا لصفة العلم. Ok, le cheikh il explique, il dit que pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne ce verset-là, verset 22, dans Surat Fussilat. C'est parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une des plus grandes attributs d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui l'ignore, il n'y a rien qui lui échappe des actes de ses serviteurs ou d'autres que ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, comme il dit dans le verset 4, dans Surat At-Taghabun, il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Donc il sait tout. Ce qui est à l'intérieur de ton cœur, ce que tu dis avec ta bouche. Tout ça, il le sait. Et il sait ce qui était dans le passé. Le passé, il le connaît. Et qu'est-ce qu'il va avoir dans l'avenir? Et ce qui ne s'est pas produit, si ça s'était produit, comment ça serait produit cette chose? Donc, il sait, hein, tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes choses. Donc, celui qui s'imagine que certaines de ses actions peuvent échapper à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est quelqu'un qui a nié l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un mulhid dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. pour avoir nié une de ses attributs. Donc on voit que le terme mulhid, certains l'utilisent pour traduire le terme athée en arabe. Quand quelqu'un veut dire un athée, en arabe on dit al-mulhid. Et donc il y en a parmi les musulmans actuellement qui utilisent le terme mulhid, ils pensent que c'est juste, c'est pour l'athée celui qui nie l'existence de Dieu en entier, c'est-à-dire qu'il nie Dieu complètement. Alors que pour être un mulhid, tel que c'est expliqué dans le sens dans la langue arabe, c'est suffisant même si tu nies une seule attribut d'Allah. Tu vas être considéré comme un mulhid. C'est pas nécessaire que tu as nié l'existence elle-même de ton Créateur. Si tu as nié une attribut, seulement une attribut d'Allah, c'est mulhid. C'est athée, si on veut. Parce que tu as nié une attribut d'Allah. Tu peux nier la connaissance d'Allah. Si tu nies la connaissance d'Allah, tu es un mulhid. Si tu nies sa toute-puissance, tu es un mulhid. Si tu nies que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, tu es un mulhid. Si tu nies que Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, tu es un mulhid. Et ainsi de suite. Donc c'est pas juste nier son existence. Une seule attribut suffit pour être un mulhid. ثم قال جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أوقعكم في الردى وهو الهلاك فأصبحتم من الخاسرين فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متشبه بأهل الجاهلية متوعد بأشد الوعيد فعلى هذا يكون نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية قد ورثوا هذه الخصلة القبيحة على أهل الجاهلية وأنهم معترضون لهذا الوعيد الشديد لأنهم ظنوا بالله ظن السوء ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معانيها وعن معناها الصحيح إلى معنى باطل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليها نصوصها Donc le cheikh explique, il dit que, donc ensuite dans le verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est cette pensée-là que vous aviez à propos de votre Seigneur qui vous a fait perdre, qui vous a rendu parmi les perdants, hein, et donc vous êtes devenu parmi les perdants. Il vous a amené à votre perte et à votre perdition, et donc vous êtes devenu parmi les perdants. Et donc ça c'est la preuve que celui qui nie une attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est parmi les gens de la jahiliya. Et il a une ressemblance avec les gens de la jahiliya. Et la menace déjà de la jahiliya s'applique à lui également. La menace qui est dans ce verset, فأرداكم أصبحتم من الخاسرين que vous allez être perdus, vous allez être perdants et que vous allez devenir parmi les perdants, ça s'applique également à ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Et donc tous ceux qui rentrent dans ce qu'on appelle les négateurs des attributs, parmi les sectes qui se disent musulmanes, comme les Jahmiya, qui est une secte qui nie tous les noms et les attributs d'Allah en entier. Ou bien les Mu'tazila, qui nie les attributs d'Allah mais qui prétendent affirmer les noms. Ou les Asha'ira et les Maturidiyya, qui sont deux sectes qui sont répandues partout dans le monde musulman aujourd'hui, et qui prétendent qu'ils affirment les noms et qu'ils affirment sept attributs seulement, mais qui nient les autres attributs d'Allah. Eh bien, tout cela, ils ont donc hérité de cette caractéristique laide qui appartient aux gens de la jahiliya, aux gens de l'ignorance, du fait qu'ils ont nié des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le cheikh il dit, ils sont tous sous la menace sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionné dans ce verset-là, parce qu'ils ont eu une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi qu'est-ce qui rentre dans ces formes d'ilhad qu'on vient de mentionner, il y a le fait non seulement de les nier de façon explicite et directe, comme certains qui les nient directement en disant non, je ne crois pas que Allah voit ou que Allah a lui, ou je ne crois pas que Allah a la connaissance absolue de tout, ou des choses comme ça. Celui qui nie ça de cette façon-là, explicite et claire et directe, oui, c'est un kafir, il n'y a pas de doute. C'est pas un croyant, c'est pas un musulman. Parce qu'il nie une attribut d'Allah. Mais il y en a des, parmi ces groupes de bid'a qu'on a mentionnés, comme les Asha'ira et les Maturidiyya, ils ne vont pas nier directement, clairement comme ça, les attributs d'Allah, mais ils utilisent des formes de ruse et des ta'wil, hein, dans le sens qu'ils vont dire, oui, on croit en cet attribut-là, mais ils lui donnent une autre signification que sa signification réelle. Comme ça, tu dis, toi tu penses qu'il croit en cet attribut, et tu t'imagines qu'il affirme l'attribut, alors qu'en réalité, il est en train de la nier, mais indirectement. D'accord? Donc il faut faire attention à ces groupes-là et à ces sectes, comme les Ahbash, les Asha'ira et les Maturidiyya. Et le pire, c'est qu'ils ne disent pas, Asha'ira ou Maturidiyya quand ils parlent. Ils disent, non, nous on est des sunnites, on est de Ahl-Sunnah. Alors qu'en réalité, ce sont des Ash'arif et des Maturidiyya. C'est des menteurs. Ils font du camouflage, comme des caméléons. Donc, le chef, il dit, wal-ilhad, donc, parmi les choses qui rentrent dans l'ilhad, c'est le nier des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de les déformer de leur sens réel pour leur donner une signification qui est fausse. Comme ceux, par exemple, qui prennent l'attribut d'Allah, al-istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a monté au-dessus de son trône, il dit qu'il est monté au-dessus de son trône, eux, ils prennent cet attribut, ils déforment sa signification et ils disent non, ça ne veut pas dire monter ou s'élever, ça veut dire de prendre le contrôle, de conquérir le trône. Donc ils disent que Dieu a conquis le trône ou que Dieu a pris le contrôle du trône. Ça ne veut pas dire pour eux que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Alors que le mot en arabe, istiwa, et le verbe istawa, ça veut dire clairement de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose, comme c'est écrit dans Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il met dans son livre un chapitre dans lequel il explique le verset dans lequel il dit « وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا » et il explique les paroles des sahaba et des tabi'in au sujet de ce verset, comme les élèves de Abdullah ibn Abbas, comme Mujahid et Abu al-Aliya, qui expliquent que la signification de istawa veut dire ala wartafa'a, c'est-à-dire s'élever, monter au-dessus de quelque chose. C'est ça que ça veut dire dans la langue arabe. Bien entendu, quand on affirme ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, on explique et on clarifie qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'attribut d'Allah est l'attribut de la créature. Donc, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône et qu'il s'élève au-dessus de son trône, mais d'une manière qui lui convient et qui ne ressemble pas à l'élévation ou au fait de monter chez les créatures. Comme Allah, il le dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc, la façon dont il s'élève au-dessus de son trône, on ne sait pas comment, et on ne peut pas l'imaginer ou essayer de l'imaginer, et on ne doit pas essayer de l'imaginer parce que c'est impossible, puisqu'il ne nous a pas expliqué et montré ou dit comment, donc on n'a pas le droit de commencer à s'imaginer des choses dans notre esprit, surtout qu'à notre époque, on est devenu des maîtres de l'imagination avec tous les films qui sont remplis d'effets spéciaux, que maintenant ils sont capables de te montrer dans des images des choses qui sont même pas réelles, comme si elles étaient réelles. tu vois maintenant des images qui bougent devant toi, tu t'imagines que c'est la réalité, alors qu'en fait, c'est des choses de... Subhanallah, ça me fait penser à ça, pourquoi? Parce que je me dis, subhanallah, à l'époque, dans les années 40, 50, je faisais des films de science-fiction, des films de monstres et tout, trucs comme ça. Quand les gens voyaient ça, tout de suite on voit, tu sais, comme on voit ça aujourd'hui, tout de suite on voit les trucages, puis on voit que c'était complètement faux. Alors qu'aujourd'hui, ils le refont parfois ces films-là, c'est juste pour dire, comme le film de King Kong, ils ont fait King Kong, un gros singe, là, un gorille, et bien la première version qu'ils avaient fait, c'était clair que c'était un petit bonhomme là, qu'ils avaient fait avec une maquette et tout. Puis là, dernièrement, ils ont refait un autre King Kong pour dire que, maintenant, avec les moyens qu'ils ont, avec la numérique et tout, ils sont capables de faire ça comme si c'était réel. Donc, c'est pour dire que leur façon de montrer le faux comme si c'était réel, maintenant, est devenue tellement avancée qu'on s'imagine que c'est vrai. Donc, on s'imagine des choses maintenant, que les gens, ils s'imaginent des choses des fois. On n'a pas le droit d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut pas imaginer. Et même si on essaie d'imaginer quelque chose, quand il y a des ulama qui ont expliqué que si tu imagines quelque chose dans ton esprit, sache que c'est pas Allah. Si tu es capable d'imaginer quelque chose dans ton esprit, sache que cette chose-là, elle n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc eux, le mot istiwa, ils l'interprètent en disant que c'est istawla, de conquérir, de prendre le contrôle. Ça, c'est une déformation. En arabe, ça ne veut pas dire ça. Le Coran, il mentionne le verbe istawa pour d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il parle des hommes qui montent sur leur monture. Il dit « لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Vous connaissez ça, c'est le dua quand on monte dans la voiture ou sur une monture, on dit cette invocation-là, c'est dans le Coran. C'est-à-dire, les testaou à la zuhurihi, pour que vous montiez sur son dos. Thumma tadhkuru ni'mat rabbikum, idha istawaytum alayhi. Donc, monter, dans la langue arabe, c'est istawa ala shay, monter sur quelque chose, ça, dans la langue arabe, ça veut dire s'élever ou monter. C'est clair. Pour un homme qui monte sur une monture. Ou bien, wastawa ala al-Joudi. Sur une montagne qui s'appelle al-Joudi. Parce que la montagne, quand Nuh était dans le bateau, dans le déluge, elle s'est posée sur une montagne quand Nuh a commencé à descendre, qui s'appelle al-Joudi. Ok? Donc, c'est pour dire que, encore là, ça veut dire de s'élever et de monter sur quelque chose. Et à propos de la fleur, dans Surat Al-Fath, à la fin, quand Allah dit « Muhammad Rasulullah, wal-ladhina ma'ahu, ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u baynahum » et puis à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fastaghlaza fastawa ala suqi » en mentionnant la fleur, la plante qui pousse et qui s'élève et qui se dresse sur sa tige, fastawa ala suqi, s'élève sur sa tige. Donc ça veut dire, toujours le mot istawa dans la langue arabe, ça veut dire s'élever, et ça veut pas dire conquérir, jamais dans la langue arabe. Même les savants de l'arabe classique, à l'époque, des salafs, ils ont jamais dit que le mot par exemple, istawa, ça voulait dire istawla, jamais. Donc c'est pour dire que, ils ont amené d'autres significations ailleurs que de la langue arabe classique pour interpréter le mot selon leur passion. Non, istiqama, c'est pas du tout la même origine, mais c'est la même, non, istawa, c'est la même forme, istawa, dans le sens de istafala. Ça, c'est une forme de verbe dans la langue arabe. Ok. Waliyad al-Qudra. Quand ils parlent de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent non, la main, c'est pas la main, c'est la force d'Allah, c'est la puissance d'Allah. Donc ils nient la main d'Allah et ils disent que la main c'est pas une main, c'est la force d'Allah. Ok, donc c'est pour expliquer que on affirme, nous on croit que Allah il a une force, hein? On croit à la force d'Allah, mais en même temps on croit aussi à l'attribut qu'il a mentionné, qu'il a la main, hein? Et que la main et la force c'est deux choses différentes, hein? Et qu'il crée par sa main. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé avec ses deux mains, Adam. لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Est-ce qu'Allah a deux forces, hein? Il a une force, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils prétendent que la main c'est uniquement la force et ils nient l'attribut. Nous on dit non, Allah il a une main, mais essaie pas d'imaginer dans ta tête comment elle est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la main d'Allah elle n'est pas comparable à la main de la créature, hein. Mais c'est pour dire que ces gens-là ils font des formes d'ilhad comme ça, ok. Et également parmi les formes d'ilhad, il y a le fait de dire qu'on ne peut pas comprendre la signification des attributs d'Allah, hein, et ça c'est incorrect. De nier la signification des attributs, ou bien de prétendre que c'est impossible de les comprendre, alors que ce sont des mots de la langue arabe. Ce sont des mots arabes, n'importe quel bédouin arabe, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui disais le mot yad, et il allait tout de suite comprendre qu'est-ce que ça signifie. De même que le mot istawa, il est connu dans la langue arabe. Donc, ce sont des mots compris dans la langue arabe, les sahabes les ont compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prononcés, il les a compris, il les a expliqués. Donc on n'a pas le droit de nier leur signification. Mais qu'est-ce qu'on nie? C'est le commun de ces attributs-là. On ne peut pas les connaître. On ne peut pas les connaître parce que le commun de la main d'Allah, on ne sait pas. Le commun de la vue d'Allah, on ne sait pas comment Allah il a créé, on ne sait pas. Ces choses-là, c'est des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et donc ça, on nie la connaissance du commun, mais on nie pas la signification elle-même, la signification de ces attributs-là. Ok, donc maintenant ça c'est ce point-là. Maintenant au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le point numéro 39. Al-ilhadu fi asma'illah. Donc c'est presque dans la même catégorie de qu'est-ce qu'on a parlé maintenant, sauf que maintenant c'est à propos des noms. Et la différence entre les noms et les attributs, c'est que on peut extraire des noms, des attributs, hein, mais on peut pas faire des noms avec les attributs. On peut extraire des attributs à partir des noms, mais pas des noms à partir des attributs. Hein, comme par exemple quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, celui qui sait tout, l'omniscient, eh ben on peut extraire de ce nom-là qu'il a l'attribut de al-ilm, l'attribut de la science, la connaissance. D'accord? Donc on extrait des attributs à partir des noms, mais pas des noms à partir des attributs. Et ça, on l'a expliqué dans le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, quand on a expliqué à l'Aqida al-Wasitiyya. Le chef de ce Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit « والإلحاد في أسماء الله كقوله وهم يكفرون بالرحمن » verset 30 dans Surat al-Ra'ad. الشيخ إكسليكسا الشيخ الفوزان يدي أهل الجاهلية يلحدون في الصفات ويلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى وينفونها كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة لأن مسيلمة تسمى لأن المسيلمة تسمى بالرحمن فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Donc, le chef explique, il dit que les gens de la Jahiliya, ils faisaient l'ilhad au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et également au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils niaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans Surat al-Ra'd, le verset 30, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ, c'est-à-dire, ils rejettent la foi en Ar-Rahman, ils ne croient pas en Ar-Rahman, en ce nom. Et donc, parmi les, Ar-Rahman c'est un des noms d'Allah, eux, les Arabes de la de Quraysh, ils ne croyaient pas en ce nom-là, ils refusaient de croire en ce nom-là. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit le pacte de Hudaybiyah avec les mushrikines, le pacte de paix avec les mushrikines, le traité, eh bien, parmi les mushrikines qui étaient là, il y avait Suhail ibn Amr qui était parmi les mushrikines avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit le pacte. Alors, il a dit, on va écrire un pacte entre vous et nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené un scribe, quelqu'un pour écrire, justement pour écrire ce pacte, ou cette entente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dire au scribe qu'est-ce qu'il doit écrire. Donc, il a commencé par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et Suhail, qui était le mushrik à l'époque, il a dit, en ce qui concerne le nom Ar-Rahman, il dit, je jure par Allah que je ne sais pas qui il est. C'est-à-dire, je ne connais pas ce nom-là. Il a refusé le nom, d'écrire le nom, qu'on écrive le nom de Ar-Rahman. Il a dit, on connaît seulement Ar-Rahman, c'est Rahman al-Yamama, qui était Musaylama. Musaylama, le faux prophète, qui se faisait appeler Rahman. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 30 dans Surat al-Ra'd pour répondre justement aux mushrikoun qui voulaient nier ce nom-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّهُ عليه توكلت وإليه متاب. Il dit, et ils rejettent la foi en Ar-Rahman, ils refusent de croire en le nom de Ar-Rahman. Dit, c'est mon Seigneur, la ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est sur lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne en repentance. كذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويصلي ويدعو ويقول يا الله يا رحمن قال المشركون انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد إلها واحدة وهو يقول يا الله يا رحمن يعبد إلهين فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فأسماء الله كثيرة وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى وإنما يدل على عظمة هذا المسمى الذي تعددت أسماؤه. Le Cheikh dit de même que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca et qu'il faisait la salat, priait et il disait dans son dua Ya Allah, Ya Rahman, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, oh Ar-Rahman ». Les mushrikoun ont dit « Regardez cet homme, il dit ou il prétend qu'il adore seulement une seule divinité et il invoque Allah et Ar-Rahman ». C'est-à-dire il adore deux divinités, il invoque deux. Il s'imaginait que parce qu'il invoquait Allah par plusieurs noms, que ça impliquait qu'il invoquait plusieurs dieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset 110 dans Surat al-Isra pour répondre aux mushrikoun à ce sujet-là, en disant قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنِ, c'est-à-dire, dis aux mushrikoun, dis au Muhammad, à ces gens-là, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, peu importe par quel nom vous l'invoquez, sachez qu'il a les plus beaux noms, c'est lui qui a les meilleurs noms. Donc, les noms d'Allah sont nombreux, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms, ça ne veut pas dire qu'on parle de plusieurs personnes qui possèdent ces noms-là. Ça veut uniquement indiquer la grandeur de celui qui est nommé par tous ces noms-là. Hein? Parce que plus que quelqu'un est grand, plus il a de noms pour le qualifier. Hein? Quand quelqu'un, par exemple, est une personne qui est grande, qui est importante, il a beaucoup de noms. On le qualifie, on le nomme par plein de noms, de beaux titres qu'on lui donne. Eh bien, c'est la même chose pour toute chose. Donc, en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a le plus, les plus beaux noms sont à Allah subhanahu wa ta'ala. فالشاهد أن المشركين ينكرون أسماء الله فمن نفى أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية أو نفى معانيها وأثبت ألفاظها كالمعتزلة أو نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة فإنه يكون وارثا لأهل الجاهلية وقد قال الله تعالى مثبتا أسماءه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال الله تعالى له الأسماء الحسنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فأسماء الله كثيرة منها ما أنزله في كتابه وهذا كثير في القرآن الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الرؤوف التواب الغفار وفي آخر سورة الحشر عليكم السلام ورحمة الله وفي آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة والأدلة على أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة فمن لم يؤمن بأسماء الله فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى Donc, le Cheikh explique, il dit, qu'est-ce qu'on donne comme, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par toutes ces explications qu'on a mentionnées, c'est que les gens parmi les mouchriquins, ils niaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils niaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, comme par exemple les Jahmiyyah, qui nient tous les noms d'Allah. Donc les mouchriquins, ils nient les noms d'Allah, et parmi les sectes, qui se disent musulmanes, il y a des groupes qui nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, ils nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a d'autres sectes qui nient les significations de ces noms-là. Donc ils affirment les noms, mais ils nient leurs significations, comme par exemple les Mu'tazila. Ou bien il y en a d'autres qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui en affirment d'autres. Ils nient des attributs et ils affirment d'autres attributs, comme les Asha'ira, et les Maturidiyah, et tout ça sont des gens donc, qui ont hérité ça des gens de la Jahiliyyah qui niaient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, hein, pour affirmer ses noms, le verset 180 dans Surat Al-A'raf, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Et dans le verset 8 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah, rien ne mérite d'être adoré à part lui, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Également, le verset dans lequel Allah il dit « وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » À lui appartiennent les plus beaux noms. Et le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim et Ibn Hibban, hein, et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Sunnat al-Hadith al-Sahihah, le hadith numéro 198, Il mentionne le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, je te demande par tous tes noms, ou par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé toi-même, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as révélé dans un de tes livres, ou dont tu as gardé la science dans dans ce que tu as gardé dans l'invisible auprès de toi. Wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est-à-dire des noms que seul Allah connaît et qu'il n'a pas révélé à sa création. Donc il y a des noms que personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont, parmi ceux qu'on connaît, il y en a mentionné 99, mais il y en a plus que 99. 99 c'est ceux qu'il nous a révélé, qu'il nous a mentionné, mais il y en a d'autres aussi qu'on ne connaît pas. Et il dit ensuite, parmi les noms d'Allah dans son livre, il y en a beaucoup. Il y a comme par exemple Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Ra'ouf, Al-Tawwab, Al-Ghaffar. Et à la fin de Surat Al-Hashr, verset 22 dans Surat Al-Hashr, 22 et 20, jusqu'à 24, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne beaucoup de ses noms et de ses attributs. Il mentionne qu'il est Allah, hein, rien ne mérite d'être adoré à part lui. Celui qui connaît l'invisible et l'apparent, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est lui, Allah, rien ne mérite d'être adoré à part lui, Al-Malik, un autre nom, Al-Quddus, encore, Al-Salam, un autre nom d'Allah, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah, Amma Yushrikun, qu'il soit purifié et exalté de ce qu'il lui associe. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, un autre nom, créateur, Al-Bari', encore une fois, un autre nom, le créateur, Al-Musawwir, hein, celui qui donne à chaque chose sa forme. Lahul Asma'ul Husna, à lui appartient les plus beaux noms. Donc tout ça, c'est des exemples de noms d'Allah mentionnés dans la révélation. Le Cheikh, il dit, et donc il est obligatoire de connaître, plutôt, il est obligatoire de croire en les noms d'Allah. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith sahih, que Allah, il a 99 noms, celui qui les énumère, il entrera au paradis. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quand on dit les énumérer, comme les ulama l'ont expliqué, c'est pas juste de les réciter comme certains soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient et commencent à chanter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas suffisant. Il faut croire en ces noms, croire en ce que ces noms-là impliquent comme effet. Comme par exemple, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est Al-Alim, mais tu agis selon cette connaissance. Que tu sais, quand tu sais qu'il a la science, tu agis selon cette connaissance. Tu agis selon ce que ça implique. Hein, ça implique qu'il sait tout, donc tu dois le craindre. Il voit tout, ça implique que tu dois le craindre dans ce que tu fais. Il entend tout, hein, il est le tout puissant, ainsi de suite. Hein, et que tu l'invoques par ces noms-là, dans le sens que tu l'invoques selon ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes son pardon, tu lui demandes, tu lui dis « Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, Ya Ghaffar, Ighfirli » Tu ne vas pas dire « Ya Shadid al-Iqab, Ighfirli » Hein? Tu ne vas pas dire « Oh toi qui es dur en châtiment, pardonne-moi » Tu lui demandes et tu mentionnes les noms, tu l'invoques par les noms qui correspondent à ce que tu lui demandes. Hein? Et donc tout ça c'est impliqué par le fait d'énumérer les noms, pas seulement de les mentionner, mais de croire en ces noms, de savoir ce qu'ils signifient, de l'invoquer selon ce que ces noms-là impliquent, et d'agir selon ce que ces noms-là impliquent également. Et il dit « Wal-Adillah » donc il dit « Wal-Adillah ala asma'illah subhanahu wa ta'ala kathira, faman lam yu'min bi asma'illah fa'innahu la yu'minu billah » Donc il dit les preuves au sujet des noms d'Allah sont très nombreux. Donc celui qui ne croit pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on continuera demain, inshallah. Puis n'oubliez pas d'avancer l'heure cette nuit, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.